Evariste Ndikomanyanga. Merci de rester branché sur les zones de la radio Sanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. À peu près 10 000 candidats militaires de rang ont passé ce samedi un test physique selon le porte-parole de l'armée du ministère de la Défense. Il s'agit de recrutements pour les catégories spéciales dont la marine. La plateforme nationale de prévention des risques et catastrophes n'a pas pu délocaliser les déplacés de Gatumba du site de Matiazo vers le site de Kabedi, l'un des sites qui était initialement prévu. 142 millions de francs burundais de crédits remboursables sans intérêt seront accordés aux sociétés des jeunes de la province Bururi pour l'exécution de leurs projets innovants, les projets qui ont remporté dans les compétitions de cette année par le programme de l'autonomisation économique d'emploi PAIG et qui ont été colorés ce vendredi. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À peu près 10 000 candidats militaires de rang ont passé ce samedi en test physique. Général de brigade Gaspar Baratouza, porte-parole de l'armée et du ministère de la Défense, indiquait qu'il s'agit de recrutement pour les catégories spéciales et dont la marine. 12 les garçons ont passé ce test. Il précise qu'il leur reste le test écrit. On l'écoute. Aujourd'hui, le 5 octobre 2024, sur tout le territoire national du pays, a été organisé le recrutement des militaires de rang. C'était une épreuve qui portait sur l'éducation physique et sport, une course de 8 km à l'endroit des candidats militaires de rang. Ça a été organisé dans toutes les provinces du pays, au nombre de 18, y compris la mairie de Bujumbura. Le recrutement s'est bien déroulé. Les inscriptions ont été effectuées en due et bonne forme, sans problème. Et plus particulièrement cette année, en rapport avec le recrutement, nous avons que l'appel lancé a été vraiment très répondu positivement, où nous avons enregistré autour de 9958 candidats qui se sont fait inscrire. C'est un effectif très important, mais aussi avec la récolte des informations jusqu'à l'heure actuelle, nous avons entendu que les présences aussi autour de 97% qui ont participé dans cette épreuve. Nous remercions les administrations à la base, la population qui a envoyé les leurs pour cet enrôlement, puisque ce sont les enfants du pays qui vont protéger ce pays. Pour la question de la répartition filles et garçons, c'est que je peux signaler, c'est qu'au cours de cette année, ça c'est un troisième recrutement. C'est un recrutement spécifique qui n'est pas ordinaire. Donc on a recruté des militaires qui vont exécuter une mission spécifique dont la FDNB a besoin. Donc lorsqu'on veut recruter un marin ou bien un aviateur, on doit catégorifier et voir le profil de quelqu'un qui va exécuter cette mission spécifique. Raison pour que cette année, la FDNB, pour cette catégorie-ci, a jugé bon de recruter uniquement les garçons pour cette mission effectivement spécifique qui leur sera donnée. Ce porte-parole de l'armée burundaise annonce qu'un autre recrutement ordinaire est prévu prochainement pour les officiers et les sous-officiers. Il appelle les candidats qui le souhaitent de rester au courant afin de ne pas rater ce rendez-vous. On l'écoute encore une fois. Pour cette année, on va recruter toutes les catégories à la FDNB. Après avoir terminé l'inscription des militaires de rang, à partir du 14 octobre jusqu'au 31 octobre, il y aura l'inscription au chef-lieu de toutes les provinces du pays des candidats sous-officiers et des candidats officiers qui remplissent les conditions exigées pour entrer dans ces catégories. Alors, des communiqués vont être lancés sur différentes radios émettant au Burundi, mais aussi affichage au chef-lieu de toutes les provinces du pays, communiqué dans les églises, mais aussi sur le site de la Force de défense nationale du Burundi. Ce communiqué sera affiché là-bas. Donc nous demandons aux candidats qui remplissent toutes les conditions de préparer les documents nécessaires à temps, de se faire inscrire très rapidement puisque le temps alloué est court. Il n'y aura pas de prolongation, mais comme les autres l'ont fait, je crois qu'ils vont répondre aussi massivement à cet appel qui est lancé. un terrain qui ne facilite pas l'aménagement et qui appartient à un autre projet gouvernemental. Et ce sont là quelques motifs qui ont freiné la plateforme nationale de prévention des risques à délocaliser les déplacés du site de Marquiazo vers le site de Kabedi, l'un des sites qui était initialement prévu. Ceci est dit par le président de cette plateforme au moment où des informations font savoir que ces places ont été octroyées à certaines autorités du pays. Général de brigade de police, Anisini Baruta. Initialement, on avait aussi identifié le site de Kabedi pour héberger ces déplacés, mais on a vu après que le site de Kabedi appartient à un autre programme. Le site de Kabedi appartient au projet Ewe Burundu Rambaye. On est en train d'étendre la plantation d'arbres, donc la délocalisation des sinistrés de Gatumba ne devrait pas freiner d'autres activités. Aussi, Kabedi est un terrain très rocheux et c'est une activité qui demanderait beaucoup d'efforts à Robuha pour l'aménager. En plus, connecter le site de Kabedi à l'eau potable, ça serait un exercice extrêmement difficile à faire parce que l'eau provient de très loin. Pour toutes ces raisons, on a abandonné le site de Kabedi. Il y a certaines informations qui font savoir que ces places ont été octroyées à certaines autorités du pays. Est-ce que c'est vrai? Non. Le site n'est pas cherché par d'autres autorités. Le site de Kabedi est proche de là où on a attribué les terrains, les parcelles aux parlementaires actifs aujourd'hui. Mais eux, ils ont eu le terrain. Seulement, c'est un site qui avoisine là où on a fait attribution pour ces autorités. Mais la raison qui nous a conduit à ne pas retenir Kabedi, ce sont les trois raisons que j'ai évoquées. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Lancement officiel ce vendredi du projet Prête Nyunganira au stade de la commune Manda en province Bubanza par le président de la République. Ce projet sera exécuté à base des montants de 17 millions de dollars américains selon la déléguée de la Banque mondiale et va appuyer les petites et moyennes entreprises, les banques et microfinances ainsi que certaines institutions comme OBM, CFCIB, BBN et autres, n'est-ce pas, Space Caritas Caragnan. Gasanga tugiye nko mu banke cyangwa mu microfinance gasanga umengo bagomba kukurimita gasanga dufite nka mashine adakwiye. Céline de femme qui avait apporté les produits de son entreprise au stade de la commune Manda qui parle des problèmes de manque de matériel de travail dans son entreprise. C'était au stade de la commune Manda ce vendredi au moment du lancement officiel du projet Prête Nyunganira, un projet d'emploi et de la transformation économique qui va réaliser ses objectifs à travers trois principales composantes selon Béatrice Nzeimana, coordonnatrice du projet. Il y a la première composante qui consiste à accompagner les entreprises, les micro, petites et moyennes entreprises. Là, il faut comprendre aussi les sociétés coopératives. Donc, on va les accompagner à travers les subventions. Il y aura également la liaison entre les producteurs et les fournisseurs. Dans sa deuxième composante, le projet Prête va accompagner le secteur financier pour favoriser l'inclusion financière et permettre l'accès au financement aux micro et petites et moyennes entreprises du Burundi. Et le projet Prête Nyunganira va se focaliser sur les petites et moyennes entreprises pour essayer d'éradiquer la pauvreté selon une délégation de la Banque mondiale. Vous savez, la Banque mondiale, avec le gouvernement du Burundi, a entrepris de faire un diagnostic du secteur privé en 2022. Les résultats de ce diagnostic ont été présentés. Ensemble, la Banque mondiale, comme programme prioritaire du gouvernement, c'est un défi pour nous tous de nous aligner afin que les acteurs qui sont concernés par ce projet-là puissent mettre en œuvre les activités dans les délais impartis. Ceci veut dire qu'en 2028, quand on viendra évaluer ce projet-là, on verra les résultats que nous avons annoncés. Beaucoup d'emplois créés, beaucoup de revenus pour les petites et moyennes entreprises et de nouveaux emplois formels qui sont créés. Donc je pense que c'est un avantage pour le Burundi. Comme le président de la République l'a dit, c'est un capital qui est donné. Les entrepreneurs qui avaient apporté les produits, surtout les femmes, ont précisé qu'ils sont contents du projet puisqu'ils travaillaient auparavant dans des difficultés du manque de matériel et de manque du capital financier. Évariste Ndayishimiye, de son côté, a appelé tous les intervenants à se donner corps et âme pour que ce projet puisse apporter des produits tout en créant de l'emploi afin d'en finir avec le chômage et la pauvreté au Burundi. Spécialité Skawanyana en commune et mandat pour la radio Isanganiro. De Bubanza, cap sur Bururi, où 142 millions de francs burundais de crédits remboursables sans intérêt seront accordés aux sociétés des jeunes de cette province pour l'exécution de leurs projets innovants, les projets qui ont remporté dans les compétitions de cette année par le programme de l'autonomisation économique et d'emploi PAEG et qui ont été colorés ce vendredi. Le projet production des semences du champignon et culture des champignons a été classé premier dans cette province du sud du pays. Le chef d'antenne provinciale du PAEG demande aux bénéficiaires d'exécuter ces projets présentés et de respecter les délais de remboursement. Les détails avec Zenosami. Le projet de production des semences du champignon et culture du champignon d'une société de jeunes Ikizinu Iwachu de la commune Mugamba a été classé premier avec 88,33% et a gagné un crédit de 15 millions de francs burundais. Le deuxième projet est celui de la société de fabrication des boulettes et saucisses des jeunes de la commune de Bururi, un projet qui a eu 86% et a gagné 13 millions de francs burundais. Le troisième projet est celui d'Akeza Studio de Rono et audiovisuel des jeunes de la commune Songa, un projet qui a gagné 12 millions de francs burundais avec 83,66%. C'était ce vendredi au lycée de Bururi où se déroulait le troisième concours des projets innovants édition 2024 au niveau de la province de Bururi, organisé par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ en sigle. Ces trois projets ont été choisis après la compétition de 12 projets en provenance des 6 communes que compte la province de Bururi, selon le chef d'antenne provinciale du PAEJ à Bururi. Albert Nikuri fait savoir que les jeunes de la province de Bururi vont cette année bénéficier d'un crédit de 52 millions de francs burundais remboursable sans intérêt en 3 ans. Il appelle les bénéficiaires à exécuter convenablement leurs projets qu'ils ont présentés et à respecter les délais de remboursement. Aux jeunes qui n'ont pas encore élaboré leur projet, à l'offrir pour participer à de telles compétitions afin d'arriver au développement. Depuis Bururi, Zenon Zabibana pour la radio Isanganiro. Isanganiro. Place à l'éducation, le maigre salaire des enseignants, les salles pléthoriques sont quelques défis qui hantent les enseignants. Selon la Fédération des syndicats du secteur de l'éducation et de l'enseignement, FENASEB en sigle, dans une déclaration sortie ce samedi à l'occasion de la journée internationale dédiée aux enseignants, Antoine Manouma, président de cette fédération, plaide pour le dialogue en vue de résoudre les défis qui hantent les enseignants. Suivez ces précisions. L'enseignant mène aujourd'hui une vie précaire et stressante qui rejaillit sur l'accomplissement de sa tâche. La politique salariale en cours de mise en œuvre n'a pas apporté de réponse adéquate suite à la flambée des prix des biens et des services de première nécessité. La politique salariale de l'enseignant a besoin tiendrait compte du coût de la vie, car dans le contexte actuel où l'enseignant se trouve, dans le stress de la vie, son rendement restera faible. Les réformes de curricula mal conduites. Les réformes de curricula seraient efficaces si l'enseignant est impliqué. Malheureusement, le ministère de l'Éducation, via le bureau pédagogique, ignore le rapport de l'enseignant, qui est le praticien de terrain. Et tout le fardeau lié au lacune pèse sur lui. Dérouté dans la pratique de classe, il devient improductif. Les effectifs pléthoriques dus à l'insuffisance des salles de classe et des enseignants. Dans pareil contexte, les enseignements n'atteignent pas tous les enfants, car ils se bousculent par insuffisance de bancs pupitres qui sont en nombre insuffisant. Les préoccupations du secteur de l'éducation sont nombreuses. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous élevons toujours la voix pour que les solutions soient trouvées par les personnes habilitées, mais nous ne sommes pas entendus. Nous demandons des audiences qui tardent à être accordées. Souvent, des propositions données lors des discussions ne sont pas considérées. Nous voudrions interpeller le gouvernement de s'approprier le thème choisi pour la journée internationale de l'enseignement de cette année, car si les enseignants et les représentants ne sont pas écoutés, aucune solution durable ne sera trouvée aux questions qui menacent le secteur de l'éducation. Le dialogue est incontournable pour parvenir, le cas échéant, aux conventions collectives. Dernier dossier de ce journal, les téticulteurs de la commune Kabarore en province Kayanza réclament auprès du complexe téticole de Gwegura une prime de rendement de la production du thé vendu il y a 2 ans. Richard Nayo, gérant du complexe téticole de Gwegura, tranquillise les téticulteurs que cette prime de rendement sera disponible les jours à venir avec le nouveau système de la certification du thé du Burundi. Patrick Seyouf. Les téticulteurs de la commune Kabarole qui grognent qu'il y a 2 ans qu'ils ne bénéficient pas une prime de rendement sur la production du thé vendu au complexe téticole de Gwegura sont surtout les téticulteurs de la colline Mugera. Ils indiquent qu'ils ne sont pas informés sur les causes de la suspension de cette prime de rendement et demandent que cette prime soit donnée. Contacté à ce sujet Richard Nahayo, le gérant du complexe téticole de Gwegura, celui-ci nous a fait savoir que la prime de rendement sur la production du thé vendu sera donnée les jours à venir avec la certification du thé du Burundi. Les téticulteurs à Mugera grognent également que les routes dans lesquelles passent les camionnettes qui transportent les feuilles vertes du thé sont peu praticables, ce qui fait d'après eux qu'ils passaient beaucoup du temps au hangar de collecte du thé. À cette question-là, Richard Nahayo tranquillise que bientôt, ces routes seront bien entretenues et que ces camionnettes seront aussi réparées. Les téticulteurs de la province Kayanza demandent que le prix d'un kilogramme de feuilles vertes du thé soit revu à la hausse, arguant que l'entretien de ces téticulteurs industriels leur coûte énormément cher. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Patrick Nsengiyumva, voilà, se referme cette actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. Mais dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse. Revue de la presse. Une reprise imminente des activités minières, s'interroge Burundi Echo. Ce journal rappelle que le Burundi dispose d'un potentiel minier et des carrières très diversifiées, dont l'évaluation, la valorisation et l'exploitation rationnelle pourraient contribuer à l'émergence du pays. Cependant, regrette ce confrère, les activités sont en berne depuis la suspension des conventions minières en 2021. Des signes avant-coureurs de la reprise musclée des activités des sociétés extractives sont déjà perceptibles, note Burundi Echo, qui cite notamment l'adoption du plan d'action dans le cadre de mise en œuvre du mémorandum d'entente signé entre le Burundi et la Tanzanie au niveau de la coopération dans le secteur minier. Des visites d'échanges d'expériences ont été effectuées en Zambie au niveau des laboratoires et des cimenteries. Parallèlement, note son confrère, les multinationales avancent leurs pions pour décrocher des méga contrats pour valoriser les grands gisements. Mais Burundi Echo fait remarquer aussi que faute de compétences et de ressources nécessaires, le pays risque fort de ne pas profiter de son potentiel minier. D'où la nécessité de renforcer les compétences techniques et les structures de gestion pour assurer un contrôle efficace et transparent des activités minières et de surcroît attirer des investissements vers le secteur, conclut cet hebdomadaire socio-économique. Des constructions anarchiques s'observent dans le périmètre irrigué en commune Rugombo, constate l'agence burundaise de presse, qui précise que la prolifération de ce genre de construction s'observe sur les collines Chibitoke et Rusiga, en zone Chibitoke, où les gens sont témoins des risques d'inondations auxquels ils s'exposent chaque fois qu'il pleut à torrent. Selon le chef de zone Chibitoke, Evelyne Ndouayezou, certaines gens construisent même la nuit, ce qui est à la base du bouchage des arroseurs qui alimentent les cultures irriguées en aval, a déploré ce responsable dans les colonnes de l'ABP et a dans le même temps décrié l'ignorance des gens de ne pas reconnaître que ce périmètre irrigué est venu comme une réponse à lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Toujours dans les colonnes de l'ABP, elle s'inscrit en faux contre des administratifs à la base qui devraient s'impliquer pour empêcher cet état de fait, mais qui continuent à signer sur les contrats d'achat des parcelles à construire dans cette zone inondable. revue de la presse. Syndicat des enseignants, gouvernement, le dialogue en Berne regrette la voix de l'enseignant, qui rappelle que le 5 octobre de chaque année, depuis 1994, le monde entier célèbre la journée mondiale dédiée aux enseignants. Cette année, le thème retenu est « Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation ». Un responsable syndical estime dans les colonnes de ce journal que ce thème cadre bien avec la situation qui prévaut aujourd'hui dans le milieu syndical burundais et peut être considéré comme un cri d'alarme. En effet, souligne cet hebdomadaire de l'éducation, le partenariat avec le gouvernement burundais est rompu depuis que le gouvernement a suspendu les cotisations syndicales via la fonction publique. Il trouve que la cohabitation avec le gouvernement burundais semble être comme celle de la punaise de nuit. Toutes les voix des enseignants à travers leurs syndicats ne sont pas entendues. Toutes les tentatives de recouvrer les cotisations syndicales suspendues par le Premier ministre burundais au mois de février 2023 semblent vaines. Le rappel des promesses faites aux enseignants redéployés n'est pas honoré, explique toujours la voix de l'enseignant. Les ponts de la province de Ruyigi sous menace à la veille de la saison pluvieuse, alerte Net Presse. En effet, écrit son confrère, des ponts construits dans les communes de Kinyinya, de Butezi, d'Obgeru et de Gisuru présentent des failles inquiétantes et les populations, tout comme l'administration locale, ne sont pas en mesure de réhabiliter les 10 ponts et craignent que ces derniers soient impraticables en période de pluie. De leur côté, les autorités provinciales locales, à commencer par la gouverneure de province émerancienne Tabou, font savoir que la région a été sérieusement secouée par des catastrophes naturelles, d'où l'assistance du gouvernement central est pressentie comme urgente. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.